La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. On va parler de boxe, évidemment. La semaine passée, c'était un des bons combats de l'année, certainement, entre Dennis Stevenson et Badou Jack. Et en fin de semaine, au centre Vidéotron, ben il y aura David Lemieux qui va remonter sur les rings, également Cassio Clayton. On en parle avec Bernard Barry. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, je t'ai vu en conférence de presse cet après-midi avec Dennis Stevenson. Donc, les juges, de ce que j'ai pu lire de cette conférence de presse-là, vous pensez que si ça aurait été au Québec, Adonis aurait gagné? Ben écoute, moi, personnellement, c'est moi qui étais le juge télé. Et ouais. J'ai donné 115-113 à Stevenson. Donc, j'ai donné 7 rounds à 5. Bon, là, il y a deux juges américains qui ont donné 114-114. Et un autre juge italien a donné 115-113 sur le bord. On est tous dans le même paquet, là. C'est certain qu'il y a une certaine frustration à cause que le combat est en Ontario. On n'a pas été capable d'avoir de juge canadien là-dessus. Chose qui ne sera pas passée si le combat avait été au Québec. Parce que la régie de sécurité dans les sports, avec Michel Hamelin comme président, aurait exigé à tout le moins d'avoir un juge local. Donc, c'est certain que ça aurait fait la différence. Je ne sais pas, mais généralement, ton juge local, il est supposé te trouver bien bon, là. Ah, c'est sûr. Normalement, ça aurait pu faire. Mais pourquoi vous n'avez pas été capable? C'est la WBC qui n'a pas voulu, ou bien? Ben, c'est la Commission de l'Ontario a changé de dirigeant. Là, celui qui était là, Kanayashi, a pris sa retraite l'année passée. Et puis là, ils sont en intérim avec quelqu'un d'autre. Et finalement, il semble que l'influence beaucoup de Mayweather, qui finalement est allé à Toronto à un moment donné pour son combat contre McGregor en conférence de presse. Puis bon, il a tiré des ficelles, puis il a réussi à avoir deux juges américains là-dessus, un juge italien. Yvon Michel a forcé fort pour équilibrer l'affaire, mais il semble que la décision de la Commission d'Ontario n'a pas mis leur culotte pour protéger leur membre. Parce que dans le fond, la Commission d'Ontario... C'est dans leurs intérêts de protéger leur officiel. Sinon, leur officiel, ils vont juger où, ces officiels-là? Ils vont juger avec des petits combats du cap. Ouais. Donc, eux, ont pas mis leur culotte. Et on s'est ramassé avec ces trois juges-là. Et on a vécu avec. Dans le cas de Stevenson, il faisait pas une grosse affaire avec ça. Parce que Stevenson, lui, habituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il nargue ses gars sans sac des juges. Mm-hmm. Il peut mettre trois juges chinois, si tu veux. Lui, ça te dérange pas. Ouais. Mais là, c'est pas arrivé, tu comprends-tu? Et en n'ayant pas arrivé, ben là, c'est certain que ça fait une certaine frustration. OK. Là, mais certainement que, Denis, est-ce qu'on peut parler de la préparation? Est-ce que je sais que tu as mentionné que. Ben lui a mentionné qu'il y avait un peu un rhume, donc ça a dû l'unir un peu. À sa préparation, est-ce que le fait qu'il. Il y a 40 ans, c'est quoi juste? Ou vraiment, il a peut-être pas pris Badou Jack assez. Il l'a pris un peu à légère. Mais sincèrement, tout ce que tu viens de dire, ça a du sens. Ouais, c'est probablement un tout. C'est probablement un tout. Tu sais, quand tu passes un encart à tout le monde, combat après combat, mais là, à un moment donné, tu t'entraînes, tu fais un rentre de moins, peut-être. On sait qu'Adonis Stevenson est très discipliné. Ça, c'est pas un problème. Il est dans le gymnase à tous les jours. Il est vraiment sérieux. D'un autre côté, il a le fait aussi il y a 40 ans, là. Fait que 40 ans, si tu pousses la machine, ça y est arrivé de se rendre au deuxième round avec Donovan George dans les dernières années, avant de le passer knock-out. Il a vu comment son corps réagissait, mais son corps qui réagissait il y a 5 ans, le corps d'aujourd'hui, c'est pas la même affaire. Mm. Donc, ça, c'était un autre élément. Et puis, bien entendu, mais là, le fait qu'il couvre une grippe, puis quand tu couvres une grippe, bien là, tu peux pas aller prendre des médicaments, parce que l'antidoping est après toi, puis ça va faire un produit masquant qui va être testé positif. Donc, il est obligé de vivre avec. Fait que si tu mets tout ça ensemble, ben ça a donné ça. OK, OK. Donc, parce que là, je voyais qu'il y avait un Ukrainien qui était son l'aspirant obligatoire. Est-ce que c'est vraiment lui ou tout indique qu'il y aura une deuxième... parce que je pense qu'il va y avoir un rematch entre Badoujak et Denis ou encore... Vazdik est l'aspirant obligatoire. Ouais. Là, mais une dérogation, c'est facile à trouver, facile à avoir. Tu sais, dans le fond, là, souvent, l'aspirant obligatoire, il y a une compensation financière. Là, on l'a vu avec l'appareil. Le gars se tasse, puis il est bien content. Fait que là, est-ce que ça va être la même chose? Je ne sais pas. C'est certain que tout le monde voudrait avoir un combat revanche, compte tenu que ça a été tellement excitant, puis que ça a fini, puis que c'était pas clair. C'est certain que pour nous autres, avant Vazdik, que personne ne connaît ou à peu près, ce serait mieux d'avoir Badoujak une deuxième fois. Là, ce reste à savoir dans les hautes instances, est-ce que le WBC, le réseau de télé, Mayweather, est-ce que les pesants de ce monde vont être capables d'arriver avec ça? Oui, puis mais on l'a vu souvent qu'une dérogation, ça se trouve facilement. Parlez-en à Aldéor Alvarez. ça a été quand même pour lui. Là, ça fait longtemps qu'il se peut d'affronter Adonis, puis finalement, il, pour toutes sortes de raisons, ça arrive pas. Hey, David Lemieux contre pour lui, David, c'est un combat je te dis peut-être pas de remise en forme, mais un combat de préparation pour le prochain gros combat. C'est-tu même qu'il faut le voir? Ben, c'est sûr, c'est certain que sur papier, il est gros favori dans ce combat-là contre Acho. Ouais. Acho en passeur de 26 victoires, 4 défaites. Dans son cas, il a seulement 4 victoires par knockout. Il a aussi 3 combats nuls. Mais Acho, c'est un Français. Sa dernière défaite remonte en 2013. Il avait perdu en Allemagne contre Konakny. Konakny, qui s'est battu 2 fois en combat de championnat du monde, il avait perdu précédemment contre Martin Murray, qui était un top 10 mondial anglais. Mais sa particularité à chaud, c'est qu'il est champion de France depuis très longtemps. Il a fait 10 combats, 9 victoires, 1 combat nul. Exactement la même fiche maintenant qu'Adonis Stevenson en combat de championnat du monde. Lui, c'est un combat de championnat de France. C'est un boxeur qui lance énormément de coups. C'est un boxeur offensif. Et il marche sur l'adversaire. Il tente de le saouler de coups. Mais c'est sûr que pour faire ça, il faut que tu t'approches. Si tu t'approches, c'est un David Lemieux là, qui est là, qui frappe super dur. Pour David Lemieux, ça ne sera pas compliqué. Habituellement, il est obligé de jouer de finesse pour essayer de couper à distance, s'approcher de ses adversaires. Mais là, à chaud, de toute sa carrière, a toujours été par en avant. Donc, c'est certain qu'il va fitter dans... ça ne sera pas un problème de stratégie pour David Lemieux et Marc Ramsey. Donc, ça devrait sincèrement être excitant parce que à chaud est très volontaire, et de ses 4 défaites, il n'a jamais été arrêté. Donc, il est considéré comme quelqu'un qui a une bonne mâchoire. Okay. Donc, on devrait avoir beaucoup, beaucoup d'actions intéressantes, mais si la logique est respectée, mais à quelque part, le mieux va lui faire mal, va lui faire très mal. Le matchmaker, donc, est parfait. C'est ça que tu es en train de me dire? Ben, pour revenir après un combat aussi difficile, comme Saunders contre Saunders, au mois de décembre, où il n'était pas vraiment capable d'approcher Saunders. Ouais. Saunders, tout comme Golovkin, a un jeu de pied exceptionnel, puis il est jamais dans le trafic. Fait que c'est sûr que pour revenir, c'est mieux de revenir avec un gars qui va essayer de te sauter dans la face. Tu n'auras pas besoin de courir après. Tu t'arrêteras pas mal. Puis ton épaule, que là, tu viens de t'arranger, ben, tu soigneras pas trop dans le bird. Tu vas soigner sur lui. Donc, sincèrement, je suis convaincu que Mac Ramsey a eu son mot à dire là-dedans pour choisir le meilleur adversaire, qui ne sera pas nécessairement une victime facile, mais qui, au point de vue stratégique, ne pourrait pas fitter mieux que là. OK. Dis-moi, là, c'est quoi? C'est sûr que tu n'es plus avec lui, là, mais pour lui, là, c'est par la suite, il va attendre de gagner Golovkin-Alvarez, parce qu'on dit que là, ils vont se reprendre. C'est rien qu'une question de temps avant ce combat-là revienne. Ça veut-tu dire que c'est un des deux que David va affronter ou ça pourrait être un autre? Ben là, l'important pour lui, c'est de rester là, dans la colonne des vainqueurs. Si ouais. Les deux titres actuellement sont détenus par Acho, il risque de s'approcher de la 5e place mondiale, ce qui deviendrait... Il deviendrait un adversaire optionnel intéressant pour Golovkin ou pour Alvarez. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les millions sont là. Tu as deux gars qui génèrent des millions partout. Là. Ils se promènent, ça tombe dans leur poche à gauche, à droite. Ouais. Ça n'a pas bien des gars comme ça. Donc, c'est sûr que pour l'organisation Eye of the Tiger et pour David Lemieux, il faut qu'ils finissent par embarquer sur le ring de préférence avec Alvarez, compte tenu que contre Golovkin, ça n'a pas bien été. Donc, s'il peut rester dans le pool, il a quand même fait des coups d'éclat, lui, sur le réseau Showtime. Et c'est pour ça qu'il est comme il est mieux de s'assurer là, de ne pas l'échapper et d'être le plus possible spectaculaire. Contre Curtis Steven, mais quand il lui a donné le crochet de gauche, il a quasiment sorti du ring, mais ça a passé partout. Ça, dans l'imaginaire des amateurs de boxe, c'est winner. Là. OK. Il y a Florcio et Clayton également qui va être en action. Oui, Clayton, qui va avoir un bon adversaire devant lui. Un gars qui est classé, Daniel, qui est classé 8e WBO. Lui, il est classé 7e. Fait que c'est certain, c'est un boxeur, Daniel, qui a fait une belle carrière amateur, qui a déjà été au championnat du monde amateur. Il avait croisé Stevenson, mais il n'avait pas boxé avec. Okay. Donc, il est allé au même championnat du monde. Il n'a pas été aux Jeux olympiques. C'est un boxeur de Hollande. Finalement, là, maintenant, fait sa carrière en Allemagne. C'est pour ça que, en Angleterre plutôt, c'est pour ça que le 7e, 8e, Clayton, sur papier, lui aussi, c'est un boxeur qui doit vaincre de belle façon pour prouver qu'il est capable, lui-là, de se produire en combat de championnat du monde. C'est des défis, le genre de défis que lui et son équipe ont demandé depuis longtemps. Là, il y en a un. Et Clayton, ben là, le talent, lui, on le sait, il lui sort par les oreilles. Boxeur instinctif, boxeur rapide, puissant, brillant, expérimenté. Donc, il a monté les marches, il est rendu là, avec son titre mineur WBO. Et là, 7e, ben, ouais, encore un petit coup, puis approche-toi, puis 30 ans, là, maintenant, fait que faut que ça y aille. OK. Je regarde ça, le nombre de bons jeunes boxeurs qui sont à la portée d'ici 2 ans, qui pourraient avoir des chances de combat de championnat du monde. Clayton en est un. Yves Ulysse en est un autre. Steven Butler pourrait être si règle ses problèmes hors ring. T'as celui également que Christian Mbeli, qu'on dit que c'est un prospect, tu me l'as dit la semaine passée. Il y a un autre, Eye of the Tiger, là, il vient des pays de l'Est que Camille Stéphane. Jochen Baez. Oui, on dit que c'est le premier Jochen choix. Baez. C'est l'équivalent d'un premier choix au repêchage de la Ligue nationale. Ah, Akhmedov, oui, il a gagné le championnat du monde junior, mais il vient juste de débuter chez les pros. Il y a un combat de fait qui a duré 31 secondes. Oui, donc, tu regardes ça, là, puis on n'a pas fini. La relève à Jean-Pascal, à Lucien Bouté. Lucien qui n'a pas annoncé officiellement sa retraite, mais c'est tout comme, là. Donc, on n'a pas fini, hein? Sincèrement, tant qu'on va avoir des bons entraîneurs comme Marc Ramsey, Stéphane Larouche, les Fred Grant, les Mike Moffa et autres, ben, les boxeurs vont être intéressés à s'amener ici, bien appuyés par les deux grosses organisations de promotion qu'on a dans le moment. On a vraiment la machine là pour rester où on est là. On est dans une place privilégiée qu'une ville comme Toronto aimerait bien nous voler. Donc, si tout le monde reste en place, les meilleurs boxeurs internationaux, le passé est un garant de l'avenir, sont intéressés à déménager ici à Montréal et de faire affaire avec une gang de champions dans le gymnase. Là, c'est sûr que ça est quand même fragile. Ça prend pas grand-chose pour être débarqué à la chaîne de bicycle. Donc, faut se méfier. Tu as parlé de Toronto. Je voulais revenir là-dessus. 4200 spectateurs, c'est-tu bon compte tenu que vous aviez zéro couverture médiatique? Moi, ce qu'on me dit, c'est que j'écoutais le compte de neuf sur le balado diffusion RDS. On dirait que c'était la liste de clients de Maple Leaf Sports Entertainment. Donc, 4200 dans des circonstances avec zéro couverture, c'est quand même pas si pire. C'est très, très bon. Écoute, on est allé là 3 semaines, même pas deux semaines d'avis. On partait de loin, la promotion n'a pas été forte là, parce qu'on s'est su à la dernière minute. Donc, le Maple Leaf Square Garden avait été, le Air Canada Center avait été bâti en fonction de la foule. Et il y avait une très, très bonne ambiance et les gens aimaient le spectacle. Et en plus, on a eu une grosse finale super écœurante. Fait que c'est certain que ces gens-là qui étaient là vont vouloir revenir si on y retourne. Okay. Donc, c'était, si on garde ça, là, c'était très positif dans cette soirée-là. Et effectivement, si tu regardes la ville de Toronto avec leur club de football, pas le football, le club de basketball, le club de soccer, qui est comme Montréal, mais le club de baseball, bon, ben, Toronto, là, ils n'ont pas de complexe face à Montréal. Non, pas du tout. Pas du tout, puis il y aura une chance de virer à Box Pro, là. Moi, comme j'ai déjà parlé, l'année où le Knoxaway s'est terminé, il y a la médaille d'or au Canada à Séoul en 88, puis il a décidé d'aller faire sa carrière professionnelle en Angleterre. Je t'assure une chose, s'il l'avait faite à Toronto, sa carrière professionnelle, on sera deuxième sur toute la ligne, parce que ça aurait tellement généré de tout qu'il aurait pris le haut du pavé. Mais malheureusement, il l'a échappé. Là, on le revoit régulièrement à Toronto. Il y a beaucoup de sa famille qui est là. Et dans le fond, c'est sa carrière qu'il aurait fallu qu'il fasse là. Mais lui, il a suivi l'argent. Il a suivi les euros. Il a suivi la télé européenne. Puis par la suite, la télé américaine. Et Toronto, ben, ils ont passé dans le beurre. Mais c'est ça, des chances de même. Tu peux pas bien les échapper quand ça arrive. Il y avait Steve Molitor aussi, il y a à peu près 10 ans aussi, que lui, il était quand même assez populaire. Par contre, il s'est-tu rendu? Steve Molitor a été champion du monde chez les poids plumes pendant quelques années. Mais tu sais, au Canada, si tu descends en bas des poids légers, là, c'est bien difficile de susciter des passions des amateurs de boxe. Là. On le vit à Montréal. Mm. À 135 livres, on force déjà. Si on s'en va avec les plumes, les super plumes, les coques, les mouches, là, les gars sont à la hauteur des câbles. C'est bien, bien difficile. On n'est pas au Mexique là, pour énerver les gens avec ça. Là. OK. Bernard, on s'en reparle dès que l'actualité de la boxe l'exige, parce qu'il y a plusieurs combats qui s'en viennent. Il y a Simon King qui va se battre dans bientôt. On va s'en parler. Puis Jean-Pascal contre Steve Bossé. Donc, j'ai pas fini de te rappeler. Non, je sais, paye pas mon numéro. OK, Bernard Barré, le collaborateur de Bo.